La mort de Venise par Maurice Trubert. Un jour, telle Vénus au temps lointain des dieux, la ville des soleils d'automne radieux, qui mettait à son front une auréole blonde, Venise, en souriant, vint à sortir de l'onde. On vit alors monter, dans la paix des matins, ses palais opulents et ses clochers hautains, dont le faîte brillait sous un ciel de topaze, et qui, sur un miroir, semblaient poser leur base. L'ardente Adriatique, oubliant ses vaisseaux, entre des murs laissait emprisonner ses eaux. Les ponts arrondissaient leurs voûtes gracieuses, les parvis s'emplissaient d'ombres silencieuses, tandis que, svelte et vive, au fil du flot tremblant, la gondole effleurait les quais de marbre blanc. Ô ville qui n'est plus, combien tu fus aimée, et combien redoutable, et combien renommée, quand les doges lançaient, d'un geste large et fier, du haut du Bucentaure un anneau dans la mer. Tes flottes aux flancs noirs, sous leurs voiles pourprées, s'en allaient hardiment aux lointaines contrées. L'Orient fastueux te livrait ses trésors. Ta république, altière, et poussant au dehors sa domination sur la terre et sur l'onde, marchait de pair avec les plus grands rois du monde. Et sur les murs de tes multiples monuments, sous les lambris d'or mat, luxueux ou charmants, les plus beaux noms de l'art ainsi que des étoiles étincelaient au bas des fresques et des toiles. Puis, quand l'astre éclatant qui guidait ton destin eut pâli comme font ceux du ciel au matin, ta beauté fine, étrange et sereine, établit sur les cœurs sa puissance de reine. De toutes parts, pour voir refléter dans les flots les dômes imposants semés sur tes îlots, pour voguer doucement sur tes canaux de rêve et respirer longtemps l'air latin sur ta grève, pour évoquer en ce décor toujours vivant, sous un ciel alangui des chauds baisers du vent, les fantômes parés des gloires d'un autre âge, le monde entier s'en vint comme en pèlerinage. Adolescent, pensif et couple amoureux, guerrier vieilli, vierge rêveuse, amant heureux, âme simple et naïve ou tout-puissant génie, qui ne s'enivra point de ta grâce infinie? Pour t'admirer un jour, qui n'eût voulu souffrir et qui n'a murmuré, voir Venise et mourir? Mourir, hélas, ils sont vivants. Venise est morte. Dans son golfe d'azur, la ville antique est forte. Pour qui le voyageur désertait sa maison, de ses souples contours n'orne plus l'horizon. Ah, lorsque s'écroulant dans un bruit de tonnerre, le campanile un jour s'étendit sur la terre, qu'il toucha de son front, jeune encore et vainqueur, chacun, en l'apprenant, prit le deuil en son cœur. Et si l'émoi fut grand, si la stupeur fut telle, c'est que Venise, unique, intangible, immortelle, semblait, dans sa splendeur et dans sa majesté, la seule œuvre à qui Dieu promit l'éternité. Les siècles auraient dû, glissant sur ses rivages, porter en d'autres lieux de funestes ravages, et jusqu'au dernier jour du dernier des humains, respecter ce labeur superbe de leurs mains. Mais non, car, dès longtemps, lasse d'être captive, la mer creusait les murs de son onde plaintive, et voici que plus tard on put voir, tour à tour, trembler chaque palais, vaciller chaque tour. Au flanc de quelques-uns, une large fissure s'ouvrait, inguérissable, ainsi qu'une blessure. Ceux-là, frappés au cœur d'un invisible coup, dans la tranquille nuit, s'effondraient tout à coup. Et comme, en la forêt quelques nobles et vieils arbres, ces colosses de pierre et ces géants de marbre, d'un mal mystérieux sournoisement miné, sur le sol ancestral tombaient déracinés. Pur chef-d'œuvre assemblé par les siècles, sculptures du grand Sansovino, mosaïques, peintures des maîtres délicats, majestueux et doux, quelle gloire était vôtre, et qu'advint-il de vous? Loggia, vous gisez en débris de porphyre, vierge de Bellini, Mort est votre sourire, beaux yeux des Titiens, l'onde vous a fermé, et par les soirs divins de lumière enflammée, ton ombre ne va plus flotter sur les eaux molles, au pont du Rialto caressé des gondoles. Ainsi, l'art vit s'éteindre un merveilleux flambeau. La triomphante mer n'en sert qu'un tombeau, et là-bas, la lueur pâle des jeunes lunes éclaire tristement le désert des lagunes. La mort de Venise, par Maurice Trubert.